Pense à toutes tes journées, assis sur le balcon en train de regarder la voisine en train de se déshabiller devant la fenêtre de sa chambre à coucher. Mais maintenant, tout ça c'est fini. Promets d'être toujours gentil. Tu es devenu il y a